Te mesurons des barquios dans les caisses et les casques. Taffe le texte et le cardio. Arrêtez de jouer les farcios. La classe dans mon égasque. J'aime pas comme les Castro. Content si Ben c'est Marcio. Fidèle au poste comme Castro. Gros frère, petit gamos. Au faux frère, j'ai dit adios. Plus haine que dit amo. Classique comme piano. L'équipe dans le Viano. Nombreux comme dit allo. Très peu dans le dialogue. Crois pas ce qu'il dit à l'autre. Les casques sont à rail. Quartier Nord, cri ara. Rapport Nord, 18 carats. Big up Ousmane Patara. Mystique, maître Yoda. Olympique, Tony Yoka. Légende Messi au parc, mythique Rally Ota. On arrive dans le game qui va nous affranchir. Machine est lancée qui va nous ralentir. Armée de punchline, main en l'air avant que je tire. Tu veux parler mais t'as plus rien à dire. Sur la prod on kick, ça devient du pilotage. C'est pas n'importe qui peut maîtriser notre art. Après ce morceau la concurrence retomberait que dit au taf. Les types veulent s'affranchir, font comme Rally Ota. Sur la prod on kick, ça devient du pilotage. C'est pas n'importe qui peut maîtriser notre art. Après ce morceau la concurrence retomberait que dit au taf. Deux sur me veulent s'affranchir, font comme Rally Ota. On arrive lourd sur le beat comme un semi-remorque. La prod on va la buter, j'éprouverai ni regret ni remords. J'ai pas de conseil à dire au môme, j'fais le rap à vol de mort. Du borne à vol d'oiseau, je débarque du Val demain. Le rap ça paraît physique, Bellec à la crise d'âme. En vrai c'est pas difficile mais tu brasseras pas de quichta. On piaffe pas dans le cristal, mais plutôt dans la cristalline. Trop peu de rappeurs ont du style, c'est triste à dire. C'est vrai qu'au Mike on tue ça, mais le public est très statique. Ce soir les boucs font du sale, trop de nippards et fait statir. Rime efface qui blesse ta team. Hein, crie mon place ou reste assis. Deux mesures, et bats les couilles si t'aimes pas. Lourd comme une cargaison qui transite via l'Espagne. J'crame le mic, tu restes glacé. Hein, fais de la place et laisse passer. Sur la prod on kick, ça devient du pilotage. C'est pas n'importe qui peut maîtriser notre art. Après ce morceau la concurrence retomberait que dit au taf. Les types veulent s'affranchir, font comme Rally Ota. Sur la prod on kick, ça devient du pilotage. C'est pas n'importe qui peut maîtriser notre art. Après ce morceau la concurrence retomberait que dit au taf. Deux sur me veulent s'affranchir, font comme Rally Ota. On kiffe le whisky d'Irlande, les pastas d'Italie. Je navigue sur le beat tranquillement, tu coules comme Titanic. Mais la prod on repeat, on s'y colle ouais. Affranchi Henry Hill, Jimmy Conn, ouais. On kiffe le whisky d'Irlande, les pastas d'Italie. Je navigue sur le beat tranquillement, tu coules comme Titanic. Mais la prod en repeat, on s'y colle, ouais. Affranchi Henry Hill, Jimmy Conn, ouais. Tout ce que je voulais, j'avais qu'à décrocher le téléphone et je l'avais. Des voitures gratuites, les clés d'une douzaine de planques un peu partout en ville. Je jouais 20, 30 000 dollars en un week-end. Après, je claquais tous les gains dans la semaine. Ou alors j'empruntais aux requins pour rembourser les books. C'était pas grave. Ça changeait pas grand-chose. Quand j'avais plus un sou, je retournais en volée pour me renflouer. On avait tout à notre botte. On graissait la patte aux flics, on graissait la patte aux avocats, on graissait la patte aux juges. Tout le monde venait faire la quête. Tout était à celui qui le prenait.